Jamais je n'avais senti M. X aussi circonspect. C'est que l'affaire était d'importance, la mort d'un homme qui a été l'un des artisans de la construction de notre force nucléaire, le général Charles Ayret. Une mort suspecte, l'accident d'avion au cours duquel le général a péri, a semblé extrêmement curieux aux témoins qui ont assisté à l'envol de l'appareil et à sa chute quelques dizaines de secondes plus tard. Aujourd'hui encore, on ne peut formellement exclure l'hypothèse d'un attentat. Dans un instant, M. X nous dira ce qu'il en pense. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'essayer de comprendre qui était Charles Ayret, le général atomique, comme on l'a appelé dans la presse. Un officier peu ordinaire, résistant, gaulliste, patriote, républicain et polytechnicien. Comme l'écrit Jean Daniel, cette conjonction de qualités exclut les états d'âme. Le directeur du Nouvel Observateur a préfacé un récent ouvrage posthume de Charles Ayret, général du contingent en Algérie 1960-1962, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Je lui emprunte ces quelques lignes. Jean Daniel évoque l'arrivée du général à Alger en 1960, une période où, dit-il, un officier supérieur avait, comme Michel Debré lui-même, le droit d'hésiter un instant sur son devoir. Or, le général Ayret ne se pose aucune question. Elles étaient toutes résolues dans son esprit à son arrivée à Alger. Son nationalisme lui fait comprendre celui des autres. Il accepte qu'on lui dise que s'il était un musulman d'Algérie, il serait fellaga. Il fallait obéir à De Gaulle pour les mêmes raisons que l'on avait désobéi à Pétain. Il fallait refuser la torture parce que dans la résistance, on l'avait subie. On ne devait connaître qu'un régime, celui de la République, qui refusait les coups d'État. Enfin, tous les anciens de Polytechnique savent qu'il y a des solutions pratiques à tous les problèmes pratiques, y compris à ceux de la défense nationale. Cela ne donne certes pas un général ordinaire. Ses pairs l'ont baptisé « général du contingent ». On a cru le tourner ainsi en dérision. Lui, on est si fier qu'il en a fait le titre de son récit. Ce qui frappe le plus dans le ton de ce général, c'est le sens qu'il a de l'évidence. Il y a en lui une sorte d'impératif qui fonctionne à chaque instant. Aucun remords, aucun regret. Il dit ses vérités avec une sorte de brutalité directe et bienveillante. Après la pause qui suit, le récit de M. X sur la mort de l'homme qui a appuyé sur le bouton qui a fait exploser la première bombe atomique française en 1960 dans le Sahara. Sur mon cours, sans armure et sans haine, mon cours, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Où vient mon beau soleil, où vient ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et déprer l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Ou traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans. Couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Je sais que vous allez me demander si j'ai connu le général Aigré. Maintenant, si vous faites aussi les questions, hein, je vous écoute. Oui, il m'est arrivé de rencontrer Aigré lorsqu'il était en Algérie. Pendant la guerre, donc. Exactement, oui. Pendant les années les plus éprouvantes, c'est-à-dire les dernières. Les guerres d'Algérie, hein. Quelles étaient alors les fonctions du général Aigré? Il a exercé plusieurs commandements. D'abord, il a dirigé les troupes du nord-est constantinois. Mmh. Puis après le putsch des généraux, il a remplacé l'ex-général Gourou et commandé le corps d'armée de Constantine. Et peu de temps après, il est nommé commandant supérieur en Algérie. Ouais, il va donc avoir la charge d'accompagner les derniers mois de la présence française en Algérie. C'est donc lui un officier supérieur qui était loyal. Tout à fait. Mmh. Il n'a jamais été question pour lui, ne serait-ce qu'une seconde, de s'acoquiner avec les putschistes. Et pendant cette dernière année qu'il va passer en Algérie, il va engager une lutte sans concession contre l'OAS. Ça a d'ailleurs failli lui coûter cher. Pourquoi l'OAS s'est attaqué directement à lui? Oui, en septembre 61, une bombe a été déposée sur le palier de son appartement parisien. Sa femme seule était présente, mais heureusement, elle n'a pas été blessée. Mmh, c'est peut-être seulement un avertissement? Un avertissement bruyant, mais ça n'a en rien entamé la détermination de Charles Aigré. Mmh. En tout cas, puisque nous parlerons bientôt de l'accident d'avion qui lui a coûté la vie en 1968, ça signifie que le général avait de sérieux ennemis de ce côté-là. Ah, c'est certain, un nombre d'insurgés ne lui ont jamais pardonné son loyalisme. Mais on y reviendra, si vous le voulez bien. Mmh, d'accord, alors, si on parlait un peu de l'homme. Je vais vous répondre franchement, je ne l'ai pas assez fréquenté pour en faire un portrait très précis. Mais j'en ai suffisamment entendu parler. Bah alors, quel genre d'homme? Un officier atypique. Ah, c'est-à-dire? À une époque où beaucoup de nos officiers supérieurs pétris de traditions militaires qui dataient, marqué par la débâcle indo-chinoise, était politiquement conservateur. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Aigré incontestablement tranché. Et d'abord parce qu'il affichait une fidélité sans faille à la République. Ce qui n'était donc pas le cas de tous les autres. Évidemment. Pendant longtemps, trop longtemps d'ailleurs, notre armée a considéré qu'elle était le recours suprême et qu'elle était la gardienne de nos valeurs traditionnelles. On a vu ce que ça a donné avec Pétain. Charles Aigré, lui, considérait simplement que l'armée était au service de la nation. Un point, c'est tout. Mmh. Donc il obéissait au pouvoir en place, quel qu'il soit. Voilà, ce qui ne l'empêchait nullement d'avoir des opinions et de les exprimer avec une certaine rudesse. Aigré, c'est un type qui ne mâchait pas ses mots. Mmh. Et quelles opinions politiques, enfin, autant que vous ayez pu le savoir? Aigré n'a jamais caché qu'il avait de la sympathie pour la gauche. Mais il a toujours appliqué, sans état d'âme, la politique du général de Gaulle. Un grand serviteur de l'État. Donc. Oui, on ne peut pas mieux le dépeindre. Mmh. Mais est-ce que ça ne le mettait pas en porte-à-faux vis-à-vis des autres officiers? Bien évidemment, politiquement et militairement. Politiquement, parce que Charles Aigré n'avait pas beaucoup de sympathie pour ses collègues qu'il prenait pour des bourgeois. Militairement, parce qu'il voyait sans doute plus loin que les autres et qu'il savait que l'armée devait évoluer et profondément se transformer. Mmh. Et sa carrière, alors, justement? Aigré, polytechnicien, a fait ses premières armes dans l'artillerie. Puis, pendant la guerre, il s'engage dans la résistance. En 1944, il est arrêté et déporté à Buchenwald. À son retour de déportation, il choisit les parachutistes. Mais par assassin, un choix curieux pour un polytechnicien. Pas tant que ça. Airey, il le sait alors très bien, a plutôt une réputation d'intellectuel. Ah, polytechnique. Ouais. Alors il veut prouver à ses pairs qu'il est aussi capable de combattre et de commander sur le terrain. Mais c'est une sorte de défi. On peut voir les choses comme ça. Et Airey n'hésitera jamais à porter le béret rouge ou la casquette. La casquette bijard. Oui, mais ce n'est nullement désobligeant. Je pense que le port de cette casquette n'avait pas la même signification chez l'un et chez l'autre. Enfin, passons. C'est dans les années 50 que la carrière de Charles Airey va basculer. À partir du moment où on va lui confier la tâche de travailler sur les armes spéciales. C'est-à-dire Les armes nouvelles, chimiques, bactériologiques et naturellement atomiques. Parce qu'il était polytechnicien, encore une fois, j'imagine. Oui, mais aussi, comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'il voyait sans doute plus loin que les autres. Une brève interruption. Dans le journal Le Monde, du 17 juillet 1947, le lieutenant-colonel Airey publie un article sur l'avenir de l'armée. J'en extrais ces quelques lignes. Le chef moderne doit connaître les procédés de raisonnement des ingénieurs et des savants et pouvoir parler leur langage. Il n'est en rien nécessaire qu'il soit à même de jouer personnellement le rôle de l'ingénieur et du savant. Si dès maintenant, les officiers d'avenir sont à même d'acquérir cette culture technique supérieure, ils réaliseront dans une vingtaine d'années un type de grand chef complet, adapté aux conditions de la guerre moderne. La bombe atomique, ça va être la grande affaire de sa vie. Oui, d'abord parce qu'il y croit. Après Hiroshima, le contraire me semble difficile. Détrompez-vous, beaucoup de militaires, enfin beaucoup de politiques n'ont guère envie que l'armée française se dote de l'arme atomique. Mais pour quelle raison hein? Le parapluie nucléaire américain existe. Alors pourquoi construire nos propres bombes? Les armes atomiques américaines suffisent à nous protéger d'un éventuel danger soviétique. C'est-à-dire que notre défense, pour ces militaires, devrait être totalement subordonnée au bon vouloir des États-Unis. Naturellement, ce que ne peuvent accepter tous les Français est pris l'indépendance. Et parmi eux, les gaullistes. Pas seulement eux. Je sais qu'on a fait du général de Gaulle le principal responsable de la création de notre force atomique. C'est vrai que le général y a mis beaucoup d'ardeur et de conviction, mais si la première bombe A française a pu exploser seulement un an et demi après son retour au pouvoir, c'est que d'autres, bien avant lui, avaient préparé le terrain et permis cette réussite militaire. C'est-à-dire les gouvernements de la 4e République. Bien sûr, les gouvernements, mais aussi les savants et des officiers comme Airey. Et alors, ces recherches ont commencé quand exactement? Dès la fin de la guerre. De Gaulle crée alors le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Mais c'est un organisme civil, ça. Oui, mais le général a une idée derrière la tête. La bombe, alors. Exactement. Et si Joliot-Curie a été nommé haut-commissaire de ce nouvel organisme, c'était aussi pour construire la bombe. Et Joliot-Curie qui était communiste. C'est juste. Mais il avait promis au général de lui construire la bombe. Seulement, vous le savez, De Gaulle quitte le pouvoir en 1946. Et l'ardente obligation de doter la France d'une force atomique meurt provisoirement avec ce départ. C'est-à-dire que les études s'arrêtent? Non, mais comme il n'y a plus de volonté politique, elles ne se traduisent par aucune avancée concrète. Toutefois, à partir de 1953, les choses vont commencer à changer. Mais c'est surtout l'arrivée au pouvoir de Pierre Mendès-France en 1954 qui va donner un nouvel élan. Mendès-France était donc partisan de la construction de la bombe. Tout à fait. Et c'est véritablement lui qui va impulser cette affaire. Alors, ça veut dire que Mendès-France est le véritable initiateur. Après le général de Gaulle, oui. C'est curieux que deux hommes au destin politique aussi différent aient été en quelque sorte associés dans cette grande entreprise. Et alors, Charles Airey, lui? Lui, il est l'arme au pied, si je puis dire, depuis qu'il est en charge des armes spéciales. Et le plan K-103 va lui permettre de donner la mesure de son talent. En octobre 1968, dans un ouvrage posthume intitulé « L'aventure atomique française », le général Airey a révélé une partie des secrets de la naissance de la bombe. Il affirme en particulier que c'est à la suite d'une réunion tenue dans le bureau de Pierre Mendès-France, président du Conseil, le 26 décembre 1954, que la décision a été prise de promouvoir un programme d'études d'armes atomiques. Programme qui a été intitulé Plan K-103, comme le disait M. X un instant plus tôt. À cette date, on met sur pied, dans le plus grand secret, 5 axes d'études. L'organisation nécessaire, la création et l'équipement des établissements, le recrutement et la formation des personnels, la détermination des constantes physiques indispensables aux calculs et projets, et enfin, l'évaluation du rythme nécessaire à la fourniture du plutonium. Malgré quelques atermoiements politiques, Mendès France est parti au bout de seulement 7 mois de gouvernement, et pas mal d'embûches administratives, en février 1956, les choses sont suffisamment avancées pour commencer à penser aux futures expérimentations des armes. Mais, nous le savons, il faudra encore 4 ans pour que la première bombe atomique française explose dans le Sahara. La difficulté dans cette entreprise, c'était de faire travailler ensemble des civils et des militaires. Des gens qui n'avaient pas la même culture ni la même vision des choses. Il faut le dire carrément, certains de nos savants n'étaient guère pressés de construire une bombe atomique. Hein. Par éthique. Certainement. Mmh. Rappelez-vous le cas de conscience des savants américains après Hiroshima. Mmh, tout à fait. Donc la tâche du général Agren n'est pas très aisée. Mais lui, il y croit, dur comme fer. Et de ce point de vue, il a dû voir d'un œil favorable l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Mmh. Parce qu'il savait que le général pèserait de tout son poids pour accélérer les choses. Oui, mais là encore, il faut dire que, de Gaulle ou pas, la bombe aurait existé. En avril 1958, donc quelques semaines avant le coup de force d'Alger, tout est prêt, tout est programmé. Félix Jaeger, qui a dû être l'avant-dernier président du Conseil de la 4e République, a décidé qu'il fallait en passer à la phase expérimentale. Une période a même été fixée pour l'explosion de la première bombe. Ce sera au cours du premier trimestre 1960. Ah, effectivement, je crois que la bombe explose qu'en février 60, hein, c'est ça. Et c'est Charles Agret, en uniforme de para, qui appuiera lui-même sur le bouton dans son PC de Reagan au Sahara. Mmh. Et c'est le général de Gaulle qui en tirera le bénéfice politique. Oui, hein. C'est ouais. Peut-être injuste, mais n'oubliez pas qu'il a quand même été l'initiateur après la guerre. Mmh. En tout cas, ce qui compte, ce n'est pas tant l'existence même de la bombe que son utilisation. C'est-à-dire. Pour de Gaulle, la bombe, c'est le symbole de l'indépendance française. Ouais, une façon de s'affranchir de la tutelle américaine. J'imagine que l'entrée de la France dans le club nucléaire n'a pas dû ravir Washington. Non, surtout avec de Gaulle à la tête de l'État. Depuis la guerre, les Américains étaient bien placés pour connaître son caractère. Mais est-ce que pour autant, il y a eu des manœuvres des services américains pour espionner ou retarder les recherches françaises? Espionner, oui, c'est évident. Et ils n'étaient pas les seuls. Ah oui, les Russes. Naturellement. Mmh. C'est pourquoi tous les travaux étaient entourés du plus grand secret. Certaines de ces activités étaient même camouflées. Mmh. De quelle façon? Des entreprises qui étaient censées fabriquer des matériels électriques ou électroniques anodins travaillaient en fait pour la bombe. Mais c'est vrai, nous n'étions pas forcément à l'abri d'une tentative d'infiltration. Après tout, les Américains eux-mêmes avaient été espionnés. Et ils avaient permis, malgré eux, à Staline de posséder sa propre bombe. Toutefois, en France, les précautions ont redoublé dans les années 60. Pour quelle raison? À cause du retrait de la France de l'OTAN? Bien sûr, même s'il ne s'agissait que d'un retrait partiel. Nous avons simplement quitté les organismes intégrés. Oui, c'est ça. Nous avons repris notre liberté. C'est cela, oui. Et le général de Gaulle a même limité le survol de notre territoire par les aviations alliées, ce qui a mis les Américains en fureur, comme vous pouvez l'imaginer. Mais deux autres facteurs ont joué, qui ont attisé le ressentiment des États-Unis. Et là encore, Agret est au premier plan. D'aucuns y verront d'ailleurs l'explication de sa mort. Alors, racontez, là. D'abord, le général de Gaulle veut absolument que la France possède une bombe thermonucléaire. Une bombe H. Les Anglais, grâce aux Américains qui leur ont communiqué quelques-uns de leurs secrets, sont déjà dotés de l'arme thermonucléaire. Il convient donc que la France accède, elle aussi, au plus tôt à ce niveau. Mais les choses traînent, et de Gaulle s'impatiente. C'est toujours Ayret qui est chargé du projet, hein? Il est devenu le patron des armées françaises. Chef d'état-major, oui, c'est ça. Oui, il est donc en première ligne, car c'est à lui que de Gaulle a demandé d'aboutir au plus vite. Une parenthèse ici. Après avoir enregistré cet entretien, je me suis replongé dans la monumentale biographie du général de Gaulle de Jean Lacouture, parue aux éditions du Seuil. Dans le tome 3, voici ce que Lacouture écrit. C'est le général Charles Ayret que de Gaulle a placé à la tête des armées françaises. Non seulement parce qu'il est au premier rang des réalisateurs de la bombe, mais parce qu'il y a chez ce grand technicien une telle brutalité et une telle certitude d'avoir raison que le chef de l'État se sert de lui comme une sorte de bélier, de bulldozer. En voilà un qui ne flanchera pas et qui brisera toutes les résistances au sein de l'armée. Ce qu'il a déjà fait en Algérie, note la couture, et de façon impitoyable. Pour De Gaulle, cette quête de l'arme thermonucléaire a quelque chose de désespéré. Bon, désespéré, c'est peut-être un bien grand mot, non ? Ah, pas du tout. Le général sait qu'il n'est pas éternel. Il connaît le poids de son âge. Il est même persuadé qu'il n'ira pas au bout de son deuxième septennat. Il en a fait la confidence à quelques-uns de ses proches. Par conséquent, il veut absolument que la première bombe H française explose avant qu'il ne quitte le pouvoir. C'est chez lui une sorte d'obsession. Mmh. Et sur ce plan, au moins, il va réussir. Hein. Tout à fait. Trois mois à peine après ces événements de mai 68, qui l'ont profondément ébranlé, il a enfin cette satisfaction. Une bombe H est expérimentée avec succès au-dessus de l'atoll de Fangataufa. Mais Ayrey, lui, n'a pas eu cette joie. Il est mort cinq mois plus tôt. Mmh. Bon, alors, on pourrait peut-être maintenant venir tout naturellement aux circonstances dans lesquelles le général Ayrey a trouvé la mort. Attendez, vous voulez toujours aller trop vite. Oh. Je vous ai parlé de deux facteurs qui ont provoqué le ressentiment, sinon la colère des Américains. Le premier, c'est donc la réalisation de la bombe H. Le deuxième, c'est la nouvelle doctrine française en matière de défense. Oui, une doctrine élaborée par le général lui-même, enfin De Gaulle. Mais, hein. Oui, mais mise en musique, si je puis dire, par Charles Ayrey. Alors, de quoi s'agit-il ? De Gaulle a l'ambition de doter la France d'une force thermonucléaire capable de frapper n'importe où sur la planète. Et c'est pourquoi, sans me rappeler, on va bientôt lancer un programme de construction de sous-marins nucléaires lance-missiles. Oui, c'est ça. Mais l'expression importante, c'est « capable de frapper n'importe où ». Pour la première fois, l'ennemi ne se trouve plus simplement à l'Est. Vous allez dire à l'Ouest, à les États-Unis ? Les États-Unis ou d'autres. Comprenez, cette fois, c'est encore plus grave que de sortir de l'Alliance Atlantique. Et pour Washington, il s'agit d'une véritable provocation. Mmh. Vous dites que c'est le général Ayrey qui a mis en musique cette nouvelle doctrine. Bien sûr, en tant que chef d'état-major des armées. Le général de Gaulle l'a chargé de formaliser cette doctrine. Et Ayrey s'exécute en écrivant un long et retentissant article dans la Revue de Défense Nationale. C'est lui qui signe, mais tout le monde comprend que le véritable auteur, c'est le général de Gaulle. Ouais. Sans entrer dans le détail, hein, vous vous souvenez des points forts de cet article ? Oui, je n'en citerai qu'un. Celui qui va provoquer un énorme tumulte. Ayrey déclare que désormais, notre défense doit être dirigée tous azimuts. Et pour que les choses soient encore plus claires, l'article est illustré par une carte figurant l'hexagone d'où des éclairs fusent dans toutes les directions. Et donc aussi vers l'ouest. Oui. Et sans exagérer, je peux vous dire que l'apparition de cet article a été jugée scandaleuse. De l'autre côté de l'Atlantique ? Pas seulement. En France même. Et jusque dans les cercles les plus influents de l'armée française. Nombreux ont été les hommes politiques et les généraux à se dire que, décidément, De Gaulle avait dépassé les bornes. Et pour tout dire, qu'il devenait fou. Ça a été à ce moment-là. Oui, je vous assure. Et dans cette détestation, Ayrey n'était pas moins montré du doigt que De Gaulle lui-même. D'un seul coup, les vieux ressentiments ressurgissaient. Dans l'armée, personne n'avait oublié que le général Ayrey avait été un adversaire implacable des putschistes d'Alger. Et maintenant, ce concept de défense tous azimuts, décidément, c'était trop. Mmh. Ayrey devenait donc une cible. Oui. Il est certain que beaucoup de gens, chez nous, mais aussi à l'étranger, avait une féroce envie de l'éliminer. Alors quand on a appris sa mort dans un accident d'avion, il a été très tentant d'imaginer que Charles Ayrey avait été en réalité victime d'un attentat. Dans un livre de souvenirs, Jean Descriennes, ancien aide-de-camp du général de Gaulle, rapporte une conversation qu'il a eue avec le président de la République au sujet de la force de frappe. Je le cite. « Vous savez, me dit le général, je suis bien conscient que les Américains, qui ont toujours combattu pour la même cause que nous, seront encore à nos côtés chaque fois qu'il faudra défendre nos libertés. Nous serons encore longtemps dans le même camp. Il est pourtant très présomptueux, même si c'est reposant, de penser que nos intérêts seront toujours les mêmes que les leurs, ou les leurs conformes aux nôtres. Et puis, ce n'est ni digne ni décent pour un peuple libre de s'abandonner, quant à sa défense, au bon vouloir de qui que ce soit, même d'un ami ou allié privilégié. Et c'est pourquoi, en politique militaire, s'est imposée en premier lieu, à moi, la défense nationale, c'est-à-dire que naturellement, en ce domaine, aussitôt s'est posé le problème des armes atomiques. Le fait que les États-Unis aient refusé de nous livrer certains secrets atomiques présentait pour nous un avantage dont il fallait profiter. La France pourrait donc se prouver à elle-même de quoi elle était encore capable. Nous ferions notre bombe tout seul et ce serait beaucoup mieux ainsi. Du moment que l'effort, tout considérable qu'il fût, n'était pas au-delà de nos forces, il fallait le faire puisqu'il fallait aller de l'avant sous peine de déchoir. Mais revenons au récit de M. X. Je lui demande de me parler enfin de cet accident d'avion au cours duquel le général Charles Airey a trouvé la mort. Au début du mois de mars 1968, Airey, chef d'état-major des armées, effectue une tournée d'inspection outre-mer. Il a d'abord visité Djibouti, Madagascar, puis il s'est rendu à La Réunion. Le 9 mars, après un dîner à la préfecture de Saint-Denis, il rejoint l'aéroport Gillot, d'où il doit s'envoler pour la France. Mais il fait donc nuit. Oui, et le temps n'est pas fameux. Il pleut abondamment, un cyclone approche de l'île. Météo donc peu favorable. Oui, et certains y verront la cause de l'accident. Et dans quel genre d'appareil le général prend place? Dans un DC-6 de l'armée, un quadrimoteur très sûr et piloté par un équipage militaire très expérimenté. J'ajoute que le général est accompagné de son épouse et de sa fille. Au total, je crois qu'ils sont moins d'une vingtaine dans cet avion, conçu pour pouvoir transporter au moins 80 personnes. J'insiste sur ce point parce que, ensuite, d'aucuns ont prétendu que l'avion était surchargé. C'est donc faux. Tout à fait. Mmh. Même si c'est vrai, pour gagner la première escale, le Djibouti, le plein de kérosène avait été fait. Vous connaissez l'aéroport de Gillot? Pas du tout, non. Alors, je vous l'explique. La piste est parallèle à la mer. Ce soir-là, en fonction des vents dominants, le décollage se fait vers l'est. À droite, il y a des collines, et un peu plus loin, un volcan, le Piton des Neiges. Devant, il existe aussi d'autres collines, mais très peu hautes. Et si je vous ai bien suivi, ils font donc assez vite virer à gauche. C'est cela, vers la mer. Or, ce soir-là, le DC-6, tout de suite après avoir décollé, ne prend pas la direction de la mer. Au contraire, il vire vers la droite. La droite, donc, vers les collines. Exactement. Et au sol, les gens qui ont assisté au décollage n'en croient pas leurs yeux. Parce qu'ils pensent que la catastrophe est inévitable. Bien sûr, et c'est ce qui se passe. Le DC-6 heurte d'abord une ligne électrique, puis il s'écrase contre une colline. Aussitôt, des milliers de litres de kérosène s'enflamment. Ouais, tous les passagers périssent. Non, il y a un miracle. Comme les secours arrivent très vite sur les lieux, les pompiers parviennent à extraire de la carcasse de l'avion une jeune infirmière qui était encore attachée sur son siège, à l'arrière de l'appareil. Elle est grièvement blessée, mais elle vit. Mais Airey, lui, et sa famille sont morts. Oui, et tous les autres militaires qui accompagnaient le chef d'état-major des armées. Une enquête est ouverte aussitôt. Oui, bien que la plupart des experts semblent mettre en cause les conditions météo. Oui, mais d'accord, mais le mauvais temps ne peut quand même pas expliquer pourquoi l'avion a viré à droite au lieu de se diriger à gauche. J'ai raison, c'est ce point qui va permettre d'émettre des doutes et d'accréditer la thèse de l'attentat. Mais j'aimerais quand même avoir votre opinion, là, parce que, tel que je vous connais, vous devez avoir votre version. Bien évidemment. Je vous promets, je vous dirai ce que j'en pense. Mais autant vous le dire tout de suite, la thèse de l'attentat n'a jamais été prouvée. Et la commission d'enquête a conclu qu'il s'agissait vraiment d'un accident. On a vu d'autres commissions d'enquête rendre des conclusions erronées ou orientées. Vous avez raison. Et comme beaucoup d'autres, j'ai accueilli ces conclusions avec beaucoup de réserves. Mais après tout, je n'étais pas chargé de l'enquête. Et j'avais d'autres chats à fouetter. Par contre, ce qui m'a paru très intéressant, c'est que très peu de temps après la mort du général Airey, la fameuse doctrine tous azimuts a été insensiblement infléchie. Oui, infléchie dans quel sens? Eh bien, on a recommencé à parler prioritairement d'un ennemi se situant à l'est. Et vous avez là une explication? Le bon sens voulait que l'on tienne compte, par exemple, de ce qui venait de se passer en Tchécoslovaquie. Oui, l'anéantissement du printemps de Prague. Oui, un tel événement aurait pu légitimement pousser le général de Gaulle à retrouver le chemin des alliances traditionnelles de la France. Oui, ça c'est plausible. Mais des esprits plus malins ou plus machiavéliques pouvaient aussi imaginer que cet infléchissement était lié à la disparition du général Ailleret. Ailleret qui aurait été éliminé afin de permettre cette modification de notre doctrine militaire. Pourquoi pas? On a vu pire, non? Oui, mais enfin, c'est quand même le général de Gaulle qui tenait les rênes. C'est lui qu'il aurait fallu éliminer. Vous avez raison. Mais enfin, la mort d'Ailleret aurait pu être une sorte d'avertissement. Puis je vous l'ai dit, il y avait tellement de gens qui étaient attachés à sa perte en France, mais aussi aux États-Unis, naturellement. Ouais, encore la CIA. On ne prête qu'aux riches. Alors vous y croyez? Je n'ai pas dit ça, je fais simplement le tour de toutes les hypothèses. Et voyez-vous, 9 ans après la mort d'Ailleret, la version de l'attentat a été spectaculairement relancée. Et comment? Un jeune historien canadien a publié un livre à clé dans lequel il a révélé avec beaucoup de détails comment le DC-6 avait été saboté. Contrairement à ce que dit M. X, ce jeune historien n'a pas été le premier à relancer l'hypothèse de l'attentat. J'ai retrouvé un article paru dans un journal de Los Angeles en 1973 et écrit par un chercheur d'un organisme américain proche du gouvernement, rappelant un autre accident d'avion au cours duquel 13 militaires et civils spécialistes français de l'atome avaient péri. Cet homme, Lowell Ponte, prétend que le général Ailleret a été éliminé par des agents secrets appartenant à une puissance qui souhaitait l'échec de la politique nucléaire française. 4 ans plus tard, donc, même son cloche. Et d'après cet historien canadien, alors, comment l'appareil aurait-il été saboté? Les saboteurs auraient installé un petit dispositif sur les commandes des ailerons, c'est-à-dire les volets situés sur chaque aile et qui permettent à l'avion de s'incliner ou de virer. Bref, les commandes auraient été inversées. Alors ça expliquerait pourquoi l'avion, au lieu de se diriger vers la gauche, aurait viré à droite. Tout à fait. C'est une explication assez ingénieuse, hein, à condition qu'elle soit techniquement satisfaisante. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste en aéronautique. Moi non plus. Mais je me demande si le pilote, lorsqu'il a vérifié les commandes et fait sa checklist avant de prendre l'air, ne se serait pas aperçu que quelque chose ne tournait pas rond. Mais c'était la nuit. D'accord. Enfin, quand on a examiné la carcasse, on aurait aussi trouvé une trace de ce sabotage et on aurait découvert que le palonnier avait été trafiqué. Sauf si on voulait cacher la vérité. Ça fait beaucoup de si, vous ne trouvez pas? Donc vous n'y croyez pas? Non. Et selon cet historien-là, qui aurait commandité le sabotage? C'est là que ça flanche le plus. Ailleret aurait été éliminé par des politiciens et des militaires qui lui reprochaient d'avoir trop d'influence. Trop d'influence sur qui ou sur quoi? Essentiellement sur le général de Gaulle. Ailleret aurait imposé sa thèse de la défense tous azimuts au général. Alors là, je suis d'accord avec vous sur ce point précis. Je vois mal quelqu'un serait Ailleret, imposer quoi que ce soit au général de Gaulle. Enfin, surtout dans un domaine aussi sensible. C'est pourquoi j'ai pensé que cette version était bidon. Mais elle n'était peut-être pas aussi innocente que cela. Pourquoi? Parce qu'elle mettait en cause, sous des pseudonymes très transparents, des hommes qui avaient été très proches de Gaulle. Les gaullistes, donc. Et la publication de ce bouquin pouvait très bien être une opération de désinformation. Une opération assez habile, en fait. Ouais, mais vous n'avez aucune preuve, là. Aucune, non. Par contre, je peux vous affirmer que s'il y a eu peut-être sabotage, ce que je ne sais pas, il n'a pas été le fait des Américains. Pour une fois que vous volez au secours de la CIA. Allons, j'essaie simplement d'être rigoureux, aussi impartial que possible. Et si j'ai souvent accusé les Américains, c'est que j'ai été au courant de bon nombre de leurs coups fourrés. Alors d'accord, mais pourquoi cette certitude? Parce que s'il est vrai que Charles Ailleret a été, sinon l'inventeur, du moins l'interprète de la théorie de la défense tous azimuts, il n'en a pas moins été aussi un allié loyal des Américains. C'est une information que j'ai eue assez tardivement, des années après sa mort. Et quelle information? C'est Ailleret, en plein accord avec De Gaulle, qui avait signé en 1967 un pacte ultra-secret avec le général américain Lemnitzer, qui était alors le commandant suprême des forces interalliées en Europe. Un pacte qui était une sorte de reconnaissance officielle de la force de frappe française par les Américains, mais qui définissait aussi la coopération entre nos deux pays. Ailleret n'était donc pas anti-américain et la CIA n'avait nul besoin de l'éliminer, bien au contraire. Jean Lacouture, dans sa biographie déjà citée, évoque en effet ses accords secrets Ailleret, Lemnitzer. Par ailleurs, j'ai trouvé dans le quotidien de Paris cet article que je vous lis in extenso. Monsieur Michel Debré repousse la thèse de l'assassinat du général Ailleret, chef d'état-major des armées, présenté dans son roman « Mort d'un général » par l'économiste et romancier canadien John Saul. Dans ce roman, publié au printemps à Paris aux éditions du Seuil, John Saul cherche à démontrer que l'accident d'avion qui a coûté la vie au général Ailleret et aux membres de sa suite en 1968 à La Réunion était dû à un attentat. Les comploteurs auraient reproché au général Ailleret d'être trop proche du général de Gaulle, d'avoir aidé à mettre en œuvre la force nucléaire et d'avoir réclamé des pouvoirs accrus aux dépens des autres chefs militaires. Dans la revue Paradoxe de juin-juillet 1977, M. Michel Debré démentait avoir eu un entretien avec John Saul avant qu'il n'écrive son livre et reprenait la thèse officielle selon laquelle l'avion était trop chargé, le temps épouvantable et le pilote énervé. Paradoxe publie dans son numéro d'octobre-novembre une lettre de John Saul précisant qu'il avait été reçu longuement par M. Debré le 4 février 1975 et une mise au point de l'ancien Premier ministre reconnaissant avoir reçu le romancier. Cette mise au point, ajoute M. Debré, n'enlève rien au principal reproche que je fais au romancier, qui est de présenter comme réalité historique la fiction que son imagination d'auteur lui a dictée. Mais pour M. X, vous l'avez entendu, cette fiction n'était peut-être que de la désinformation. À samedi prochain, et je vous rappelle l'adresse internet de l'émission peno@radiofrance.fr.